Bon, demain, on part à 6h du matin. Oh, 6h ! Parfois, il y a des chiffres qu'on n'aime pas. Et du coup, réveil à 4h. Oh, non. Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme celui-ci, 5,50%. C'est le taux d'intérêt brut annuel pour toute première ouverture d'un livret plus pendant 4 mois. Fortunéo, j'aime ma banque. Offre valable jusqu'au 15 avril 2024 sur vos versements jusqu'à 100 000 euros, limité à un livret plus par personne majeure. Taux annuel brut contractuel de 2% et fiscalité en vigueur susceptible d'évolution. Autres conditions et fiscalité sur fortunéo.fr. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire des films Rocky ou l'Amérique des points levés. Des paupières qui tombent, des gros muscles et une voix rauque. En 1976, les États-Unis découvrent au cinéma un inconnu du nom de Sylvester Stallone. Le film, dont il joue le rôle principal et qu'il a également écrit, s'appelle Rocky. C'est une petite production, mais avec 225 millions de dollars de recettes et 3 Oscars remportés, c'est l'un des longs métrages les plus rentables de l'histoire. Stallone était cantonné au rôle de figuration. D'un coup, il est propulsé au rang d'icône de l'Amérique. Rocky est un double succès. Le succès de son personnage, un petit boxeur qui parvient à tenir tête aux champions des poids lourds, mais aussi celle de Stallone, qu'on finit par confondre avec les rôles qu'il joue. Rocky d'abord, Rambo ensuite. À une époque où Mohamed Ali est adulé autant que détesté, 2 ans après le Watergate et au lendemain de la guerre du Vietnam, Stallone réussit à incarner le rêve américain alors en péril. Et c'est bien ce que dit ce film des États-Unis, Rocky, qui quelques années plus tard, des États-Unis éliront un autre acteur, président, cette fois Ronald Reagan. Notre invité aujourd'hui, David Da Silva, journaliste, historien du cinéma, professeur à l'Institut international de l'image et du son, auteur du livre Sylvester Stallone, héros de la classe ouvrière, paru aux éditions Leitmotiv en 2013, et du livre Trump et Hollywood, édité en 2 tomes. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Romain Weber, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Tonnante, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter. Round one, the bell sounds and here we go. Wepner comes bouncing across the ring and looks as though he wants to be aggressive right away. Ali, known for slow start, certain, ever so patently to the left. Cleveland, Ohio, 24 mars 1975. 20 000 spectateurs se tassent dans le stade carré du Richfield Coliseum. Au centre de l'arène, un ring. 2 hommes y montent, l'un est noir, il est champion du monde des poids lourds, il règne sur la boxe depuis 10 ans, c'est Mohamed Ali. Et si on l'appelle The Greatest, le plus grand, c'est qu'il est bien plus qu'un boxeur. C'est un showman et c'est un militant de la cause noire et contre la guerre du Vietnam pour laquelle il a refusé de combattre. Cassius Clay renommait donc Mohamed Ali depuis son adhésion à la secte de la Nation of Islam, est une icône que l'Amérique républicaine déteste. Face à lui, qui l'approche d'un pas déterminé, un boxeur blanc. Un grand type à moustache, nez enfoncé. Il s'appelle Chuck Wepner, mais lui, on ne le connaît pas. Il faut dire que cet ancien marine partage sa vie entre la boxe et son gagne-pain, la vente de spiritueux. C'est en regardant la télé quelques semaines plus tôt qu'il a appris qu'il allait affronter Mohamed Ali. Tranquille, ce jour-là, il regarde sa série préférée, une bière à la main. Mais sa mère lui dit de changer de chaîne, on parle de lui aux infos. Il se trouve que Mohamed Ali remet son titre en jeu, mais les candidats à l'humiliation ne sont pas nombreux. Alors, toujours à l'affût d'un nouveau spectacle, les producteurs ont une idée. Plutôt que de faire combattre Ali contre un outsider, ils choisissent un inconnu. Le genre de situation que le public adore. Une légende contre un anonyme, pensez donc, ou comme le dit un journaliste, un artiste contre un peintre en bâtiment. Mais ce sont aussi d'autres enjeux qui se jouent sur ce ring. Ce 24 mars 1975, Ali contre Wepner, c'est l'arrogance contre l'humilité, le boycotteur du Vietnam contre l'ancien marine, le noir contre le blanc. Quelques jours plus tôt, les deux s'étaient rencontrés à la télé. Ali, enfoncé dans son fauteuil, l'air consterné, lui avait dit « T'as pas la moindre chance, enfin, je vais te balayer. » Et Wepner lui avait répondu d'une voix bizarre à cause de son nez cassé 9 fois « Ce sera plus dur de parler avec mon poing dans la gueule. » Ali est donné gagnant à 14 contre 1. Mais en réalité, le combat est bien plus serré que prévu. Parce que si pour la star de la boxe, tout cela n'est qu'un spectacle, pour Wepner, c'est le match de sa vie. S'il gagne, cet inconnu deviendra champion du monde et sera riche à millions. Et bien contre toute attente, au 9e round, d'une droite dans le flanc, Wepner envoie Ali à terre. Oh, a vicious shot to the rib of Muhammad Ali, and what a surprise! Chuck Wepner gets to the body of Muhammad Ali. Autant dire que c'est un exploit. Personne ne met jamais allé au tapis. Dans le stade, dans tous les cinémas qui diffusent le match et dans les foyers américains, on exulte. Et si l'anonyme battait la légende? Mais Ali se relève, il cogne Wepner et ne prend plus un seul coup. Non mais alors? Et au 15e round, quelques secondes avant que la cloche ne sonne, il finit par mettre KO son adversaire. Wepner perd, mais il a tenu bon. Et c'est lui le héros, ce soir-là. À des centaines de kilomètres de là, un homme assiste à ce spectacle. Il s'est offert une place dans un cinéma de Philadelphie qui projette le combat. Et c'est un luxe, hein, compte tenu du peu d'argent qu'il a en poche. Ce jeune homme a 28 ans, c'est un comédien qui n'a joué que des rôles mineurs jusque-là, quelques pubs et un film érotique. Il s'appelle Sylvester Stallone et vient de germer dans son esprit une nouvelle histoire, celle d'un boxeur sorti de nulle part, devenu le temps d'un soir, l'espoir de ceux qui ne sont rien. Les meilleures fictions ne sont-elles pas celles tirées du réel? Et donc, en 82, à la télé, Stallone parle de son projet intitulé Rocky. C'est assez autobiographique, j'ai jamais été un boxeur professionnel, mais je me suis dit que la boxe était une bonne représentation symbolique de ce que c'est que de se battre pour réussir, pour ses rêves. J'ai pris mes frustrations d'acteur et de scénariste en manque de reconnaissance et je les ai fait incarner à un boxeur, parce que tout le monde peut s'identifier à la guerre qui se déroule sur le ring. Qui est-il, ce Stallone, en cette année 1975? Un homme qui parle de lui comme d'un underdog, un moins que rien. Un homme appartenant à cette catégorie de personnes qui sont assises sur le trottoir et qui regardent leurs rêves filer dans le caniveau. Je reprends ces mots. Sa vie commence dans un quartier New York, Hell's Kitchen, la cuisine de l'enfer. Tout un programme. Un quartier effectivement très pauvre, violent. Son père est italien, Stallone, sa mère ukrainienne. Le 6 juillet 46, on appuie un peu trop fort sur le forceps pour extraire le bébé, ce qui endommage un nerf facial. Ses yeux mi-clos et sa bouche tordue, Stallone les doit à cet accouchement difficile, qui lui donne dès le départ une apparence d'attardé. Sa mère veut l'appeler Tyrone Power, comme son acteur préféré. Mais le père, lui, choisit Sylvester, un prénom désuet qu'aucun enfant ne porte, et qui, pour les petits Américains, n'est rien d'autre que le nom d'un chat stupide, celui de Titi et Gros Minet. Stallone est un enfant à l'air un peu ahuri, qui porte un nom de dessin animé. La totale, c'est un enfant humilié. Mais il n'y a pas que les gamins qu'il prenne pour un demeuré. Son père également, un personnage brutal. « Puisque tu n'es pas né avec beaucoup de cervelle, lui dit-il, mieux vaut développer ton corps. » Sylvester est un enfant maltraité. Il se renferme sur lui-même et trouve dans les salles de cinéma un refuge pour s'imaginer une vie. J'ai été très marqué par Superman, Hercule et le bodybuilder Steve Reeves. J'étais dingue de ça. J'adorais le cinéma. Le premier boulot que j'ai fait, c'était ouvreur. Parce qu'il faisait noir, c'était calme. Et puis sur l'écran, il y a tout ce que vous rêvez d'être. Vous pouvez être qui vous voulez pour 25 centimes. 1958. Stallone a 12 ans quand ses parents divorcent et qu'il suit sa mère à Philadelphie. Ce n'est pas n'importe quelle ville, Philadelphie, dans l'histoire des États-Unis. Dans le centre, une vieille cloche fêlée rappelle l'indépendance. Il paraît qu'elle a sonné le 4 juillet 1776 pour annoncer au peuple qu'il était libre. Philadelphie, c'est la ville de Benjamin Franklin, le centre de la Révolution américaine et la première capitale des États-Unis. Mais de ce passé glorieux, à la fin des années 50, il ne reste pas grand-chose. C'est devenu une cité de 2 millions d'habitants qui voit ses usines fermer. Les ouvriers désœuvrés habitent des quartiers qu'on n'entretient plus. Noirs, Italiens et Irlandais sont tous aussi pauvres, mais chacun de leur côté, chacun dans leur quartier. Soulèvement ouvrier, émeute des Afro-Américains. Dans la ville des pères fondateurs, le rêve américain n'a plus de sens. Alors, que reste-t-il pour susciter l'espoir, pour rêver un peu? Eh bien, il y a le cinéma et la boxe. Oui, Philadelphie est la ville de la boxe. Et ce sport n'est pas qu'un combat entre deux adversaires. C'est le temps de quelques rounds, un peuple qui se range derrière un champion qui, par sa seule force, redonne leur fierté à ceux qu'il représente. Ce sont les pauvres qui gagnent contre les riches, les Italiens qui humilient les Irlandais, les Noirs qui soumettent les Blancs. À Philadelphie, le jeune Stallone voit la boxe partout autour de lui. Dans la rue où sont placardés les combats à venir, sur les places où des boxeurs rejouent leurs combats mythiques, dans les stades et dans les cinémas qui rediffusent les matchs du week-end. Et le champion des années 50, celui qui fait rêver le petit Stallone, c'est un homme issu de l'immigration italienne, comme lui. Un petit homme devenu boxeur après avoir connu la misère. Le speaker du Yankee Stadium de New York le présente en 1954. Écoutez bien son nom. From Brockton, Massachusetts, wearing black trunks, weighing 187 and a half, heavyweight champion of the world, Rocky Marciano. Oui, la légende de la boxe des années 50 s'appelle Rocky Marciano. Et son surnom, c'est le Grand Espoir Blanc. Parce qu'il a pris la ceinture de champion du monde des poids lourds que ne portaient plus que des boxeurs noirs, ou presque. Et ce sont les combats légendaires de Rocky que Stallone voit rejouer dans les rues de Philadelphie. Fils d'immigrés, Sylvester est également fasciné par Superman. Cinéma, ring et lutte sociale, tel est donc son environnement. Et pour compléter le tout, voilà que sa mère ouvre une salle de musculation dans laquelle le petit Stallone devient un adolescent bien plus musclé que les autres. Et petit à petit, se mettent en place les éléments qui feront germer l'idée du film quelques années plus tard. Mais il faut attendre que ces éléments fusionnent. Dans les années 80, une publicité fait la promotion d'une biographie à paraître de Sylvester Stallone. Il est né dans un hôpital de l'assistance publique. Un accident de naissance lui laisse la moitié du visage paralysé. Il n'a que des handicaps. Il a donc tout pour réussir. En 3 jours, il écrit un scénario sur une table de cuisine. C'est Rocky, le film qui lui rapportera 150 millions de dollars. Puis, avec Rambo, il réveille la conscience des Américains. Au pays des vainqueurs, il est le numéro 1. Il poursuit inlassablement son parcours sur les chemins de la gloire, frappant au ventre et au cœur. Il s'appelle Sylvester Stallone. Il est le symbole de l'Amérique triomphante. Sylvester Stallone, La Revanche de l'Amérique, un livre publié par Victory Edition. La Revanche de l'Amérique. De quoi Stallone a-t-il besoin de se venger? D'une enfance difficile et d'une condition sociale misérable, on l'a dit. Mais aussi, une fois adulte, de vexations répétées. Parce qu'il veut faire du cinéma mais qu'il n'y arrive pas. L'envie de jouer née dans une troupe de théâtre, Stallone se prend de passion pour la scène, là où, pour la première fois, c'est le public qui le regarde, comme il regardait, lui, Superman ou Hercule. Nous sommes à la fin des années 60, il habite maintenant à New York et il se présente à tous les castings imaginables pour gagner sa place. Mais avec sa drôle de dégaine, tout ce qu'il décroche, c'est une publicité pour de la mousse à raser et quelques rôles de figurants. Alors, en attendant, il nettoie la cage au lion du zoo de Central Park, il livre les pizzas et il fait l'ouvreur dans un cinéma. En 1970, à 24 ans, alors qu'il est sur le point de vivre à la rue, il joue dans un film érotique pour 200 dollars. Le titre « Soirée chez Kitty Estod », ou l'histoire d'un jeune couple qui se découvre un penchant pour le sadomasochisme et qui couche avec ses amis. Le film est très mauvais, mais quelques dialogues résonnent d'une drôle de façon tout de même. Stallone est allongé sur un lit, sa copine à côté de lui, il est en peignoir, se regarde dans un petit miroir et dit, comme s'il avait écrit le dialogue lui-même. Quand est-ce que je serai connu? Bientôt. Tout le monde saura qui tu es. Et puis merde, je veux pas me faire un ulcère. Un jour, on te connaîtra sous le nom de l'étalon italien. Fume-moi un joint. Devant les échecs répétés, Stallone décide d'aller au-delà du métier d'acteur. Lui à qui on répète depuis la naissance qu'il est ralenti, qu'il n'a pas de cerveau, le voilà qui se met à écrire et à lire. Il devient même un grand amateur d'Edgar Poe. Mais qu'est-ce qui l'attire dans l'œuvre de cet écrivain célèbre pour ses contes fantastiques ? Sûrement sa noirceur, son inquiétude, son angoisse. Pour Stallone aussi, l'écriture est une affaire d'angoisse. Il s'enferme dans son appartement. Il peint les fenêtres en noir pour ne pas être dérangé par la lumière. Il coupe son téléphone et toute la journée, il écrit. De cette expérience sortent de sombres scénarios, des histoires d'échecs, d'abandon. L'auteur insuffle ses traumatismes à ses personnages. Il écrit l'histoire de petits voyous, de perdants, de moins que rien, underdogs. Les années passent, les scénarios s'empilent, mais ne donnent rien. Les rôles sont toujours aussi inintéressants. Stallone se souvient d'ailleurs, dans une interview en 1977. J'étais à l'arrière-plan, je jouais le mec bourré qu'on enjambe dans le caniveau et d'autres rôles pourris. Mais je me suis dit, si je dois tomber dans les tréfonds du métier, je veux au moins avoir l'occasion de me dire, eh ben t'as essayé. Ensuite, la question était, quel personnage je prends ? Je ne pouvais pas me faire passer pour un avocat, je ne pense pas avoir ce genre de charme. Alors j'ai voulu prendre quelque chose de beaucoup plus basique, quelqu'un de la rue. Mais quel genre d'homme ? À moins que rien. Et je pense qu'un boxeur professionnel représente ce genre de choses. Après des années de labeur, le déclic a donc lieu devant le combat Ali Wepner, celui que nous vous racontions au début de ce récit. Stallone s'identifie immédiatement à ce boxeur inconnu qui saisit sa chance pour accomplir son rêve. Un besogneux qui sait encaisser les coups et qui tient un bon. Alors Stallone écrit un scénario en 3 jours et demi. Et il appelle Chuck Wepner qui lui raconte un moment particulier. La veille du combat, il est avec sa femme allongée sur leur lit. Et il lui dit, tu sais, même si je ne gagne pas, je peux prouver que je mérite ma place. Pour incarner ses frustrations et ses rêves de reconnaissance, Stallone a donc trouvé. Il écrit l'histoire d'un obscur boxeur qui se hisse au sommet, un certain Rocky. Yeah. fucking hell, dude. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'histoire du film Rocky. Affaires Sensibles, Fabrice Drouel. Bonne pioche, le scénario de Stallone intéresse deux producteurs de cinéma. Un certain Tchartoff et le dénommé Winkler. Ce sont deux producteurs expérimentés. Le scénario leur plaît, mais ils savent que ce film est différent de ce que propose le cinéma américain. Dans les années 70, en effet, Hollywood voit apparaître une nouvelle génération qui rejette les codes des décennies précédentes. Scorsese, Coppola, Brian De Palma, avec leurs acteurs fétiches, De Niro, Al Pacino, Nicholson. Ces réalisateurs et comédiens bouleversent Hollywood. Un peu comme ceux de la Nouvelle Vague en France. Ces donneurs de leçons arrogants qui ont tout de même le mérite d'avoir décrassé le cinéma de papa. Et ces cinéastes américains, eux aussi, en ont marre des héros parfaits, des valeurs morales, des films vertueux qu'on vend depuis la fin de la guerre. De tous ces John Wayne, par exemple. Ce n'est plus en adéquation avec l'époque. Les 10 dernières années ont été brutales. Les assassinats de Kennedy, de Malcolm X, de Martin Luther King, le mouvement des droits civiques, la guerre du Vietnam, le scandale de Watergate. Tout cela a creusé un fossé entre les Américains et leurs dirigeants. Alors les films de ces nouveaux cinéastes sont pessimistes et en vérité réalistes. Les personnages sont des soldats traumatisés, des voyous, des hippies, mal habillés, sales, méchants. C'est l'époque de Vol au-dessus d'un nid de coucou, de Taxi Driver et surtout d'Easy Rider, un must en la matière. Tout y est dans ce film. On y parle de drogue, de sexe et il n'y a plus de happy end. Hollywood n'est plus un vendeur de rêves. Hors du rêve, en 76, les États-Unis en ont besoin. Parce qu'un an après la fin de la guerre du Vietnam, le pays fête ses 200 ans. Le 4 juillet à New York, une fantastique armada du monde entier défile dans la baie d'Hudson. On tire des feux d'artifice extraordinaires dans toutes les villes américaines. À Philadelphie, des enfants font sonner la fameuse cloche de la liberté, l'indépendance des États-Unis. Eh bien, on la fête jusque mars. Enfin, pas le calendrier, la planète. Oui, la NASA prévoit d'y poser sa sonde Viking 1, précisément ce jour-là. En cette année du bicentenaire, l'Amérique, c'est clair, veut tourner la page des années de malheur. Et cela, le candidat démocrate à l'élection de 1976, Jimmy Carter, l'a bien saisi. There's a new mood in America. Un vent nouveau souffle sur l'Amérique. Nous avons été ébranlés par une guerre tragique à l'étranger, par des scandales et des promesses non tenues à la maison. Notre peuple cherche de nouvelles voies, de nouvelles idées, de nouveaux leaders. Nous, Américains, refusons de nous réunir dans l'échec et dans la médiocrité, ou d'avoir de moins bonnes conditions de vie. Guidés par des valeurs morales stables et simples, nous sommes devenus des idéalistes sans illusion. Des pragmatiques qui connaissent toujours ces vieux rêves de justice et de liberté, de patrie et de communauté. Les vieux rêves de justice et de liberté. Ce n'est pas par hasard si Stallone écrit un scénario qui redonne sa place aux rêves américains. Un film dans lequel un perdant a l'opportunité de devenir un champion. C'est que lui, passionné de cinéma, qui passe ses journées à regarder des films dans la salle où il travaille, en a marre. Le cinéma a été anti-société, anti-gouvernement, anti-tout, dit-il. Moi, je voulais revenir aux films des années 40 et 50, là où il y avait une morale. Les producteurs lui accordent $1 million, soit légèrement plus que le prix d'un bon spot publicitaire. Stallone en perçoit 20 000 pour l'écriture, et les producteurs pensent à deux jeunes acteurs pour incarner Rocky. Mais ce rôle, Stallone l'a écrit pour lui. Les angoisses de Rocky, ses doutes, son quartier, ce sont les siens. Il s'est fait rejeter de centaines de castings, alors il est hors de question qu'on lui refuse le rôle qu'il a écrit lui-même pour lui. Allez, $50 000 pour qu'il abandonne, lui proposent les producteurs. Ben non. 100 000 alors? Non plus. Bon, ça va. 150? Non, 200? 250 000? Pour que Rocky soit joué par un acteur qui fait autre chose, qui a fait autre chose qu'une publicité pour de la mousse à raser et un film érotique? Eh bien non. Stallone ne cède pas. C'est lui ou rien. De guerre lasse, les producteurs finissent par accepter. Et un jour de décembre 1976, le tournage commence. Maintenant, si je me loupe, je gâche $1 million. Et je ruine ma réputation, et aux jeunes qui proposeront un film, on leur dira: tu te souviens de Stallone? Tu veux faire une bouse? Et mon nom sera synonyme de clown. Mais cette peur est partie à la dernière seconde, au moment où je suis sorti du camion. Il gelait, il était 4h30 du matin, le vent soufflait dans la rue. Et il y avait l'horloge de la mairie de Philadelphie éclairée dans le vent et la brume. Et au moment où je sors du camion, je passe devant un miroir et je me dis: ok, soit tu le fais, soit tu restes assis là. Et tu seras un perdant pour le reste de ta vie. Est-ce que tu es dans le personnage? Et quelqu'un me dit: allez Sylvester, on y va. Et je réponds: non, moi c'est Rocky. Rocky, pour Stallone, c'est un homme qui n'a pas de soleil dans sa vie, selon son expression. Son environnement, c'est le quartier ouvrier de Kensington, à Philadelphie. Des maisons en briques, des gens qui traînent et des rues qui sentent mauvais. C'est le quartier des Italiens, et tout le monde est au chômage. Rocky, lui, survit en participant à des combats mal payés et en servant d'homme de main un petit parrain. Dans sa chambre, un matelas éventré lui sert de punching ball, deux tortues végètent dans un aquarium sale, et au mur, il y a un poster de Rocky Marciano, le boxeur. Alors seul un miracle pouvait sortir de ce marasme, et il va survenir. Le champion des poids lourds, un certain Apollo Creed, un boxeur noir arrogant qui fait étrangement penser à Mohamed Ali, se retrouve très ennuyé lorsque son prochain adversaire lui fait faux bond. Alors, au lieu de trouver un autre outsider, il décide de mettre sa ceinture en jeu face à un inconnu. Et c'est en ouvrant l'annuaire des boxeurs qu'il trouve ce Rocky, qui s'est fait appeler l'étalon italien. Souvenez-vous, c'était son nom dans les films érotiques 7 ans plus tôt. Rocky, lui dit le producteur du combat, croyez-vous que ce pays donne sa chance à ceux qui veulent la saisir? Ouais, lui répond Stallone. C'est Rocky qui parle. Mais c'est Stallone qu'on entend. Et la bande-annonce ne s'y trompe pas. Il s'appelle Sylvester Stallone. Il est la vedette de ce très grand film. On a dit de lui qu'il était dur, beau, plein de talent, sexy, sensible, dynamique, brillant. On l'a comparé à Nicholson, à De Niro et à Brando. Mais il est surtout Rocky. Il est l'homme qui n'a jamais eu sa chance, jusqu'à maintenant. Au jeu de la vie, il n'avait que de mauvaises cartes. Son nom, Sylvester Stallone. Mais pour nous, il restera à jamais Rocky. Au jeu de la vie, il n'avait que de mauvaises cartes. Mais avec l'endurance, l'effort, l'humilité, Rocky va au bout. C'est un film simple. Rocky ne gagne pas. Mais il tient bon. Et c'est bien ce qu'il voulait. Montrer qu'il méritait sa place. C'est ce que Chuck Wepner avait dit à Stallone dans la vraie vie au téléphone, et c'est ce que Rocky dit à sa petite amie la veille du combat. Tu as tellement travaillé. Remarque, aucune importance. De toute façon, je n'étais personne avant. Ne dis pas ça. Oh, Adrienne, c'est vrai. Avant, j'étais personne. Mais ça non plus, ça compte pas. Toi, je me suis dit que c'est aucune importance si jamais je le perds ce match. C'est aucune importance que l'autre y m'ouvre le crâne. Tout ce que je veux, c'est tenir la distance. C'est ça le rêve américain pour Stallone. Non pas réussir, mais se donner la chance de tenter. Le film est tourné en 28 jours. Et le 3 décembre 1976, il sort en salle. L'affiche montre Rocky torse nu de dos, tenant la main de sa petite copine, Adrienne. Le jour de la sortie du film, Stallone entre discrètement dans un cinéma New York. Il se met au fond de la salle et guette, inquiet, la réaction du public. Au bout de la projection, pendant le combat final, comme Wepner contre Ali, Rocky met son adversaire à terre. Et là, Stallone voit ébahi les spectateurs se dresser sur leur siège et exulter. Le petit boxeur a mis le champion au tapis et on regarde Rocky comme on assiste à un vrai combat de boxe. Au bout du compte, c'est un immense succès dans tous les États-Unis. Devant le cinéma, depuis la rue, on entend les salles gronder et applaudir, entraînées par la musique grandiose qui accompagne le héros dans son ascension. Alors on se rue sur les séances pour goûter au phénomène. Au cinéma, vous pouvez être qui vous voulez pour 25 centimes, disait Stallone. En cette année 76, avec Rocky, pour 25 centimes, on achète 1h30 de condensé de rêve américain. Les spectateurs réalisent qu'ils peuvent devenir le meilleur comptable, dit Stallone, le meilleur coiffeur ou le meilleur prof, qui peuvent aller plus loin que ce qu'ils ont jamais osé imaginer. Pourtant, si la sortie en salle est un succès prodigieux, certaines critiques sont sévères. Un film sentimental de bas étage, dit le New York Times. Un patchwork élimé de morceaux de vieux films, s'est renchéri le New Yorker. La presse, qui admire Scorsese et Coppola, est méprisante. Et pire, certains voient en Rocky un film raciste, dans lequel un boxeur blanc remet un boxeur noir à sa place. À l'image de ce qu'écrit le critique Peter Biskind dans un article publié des années plus tard. Le champion de boxe poids lourd s'appelle Apollo Creed, un noir. Si Rocky n'est qu'innocence, Creed n'est que cynisme et avidité. Leur premier match est un coup monté à des fins publicitaires pour l'année du bicentenaire par Creed, qui aime l'idée de s'habiller comme l'oncle Sam et de massacrer un inconnu se faisant appeler l'étalon italien. C'est l'opprimé blanc contre le champion noir. La déclaration implicite du film, les noirs sont allés trop loin, ils ont émasculé les blancs moyens et convenables comme Rocky, explique au moins partiellement son succès au box-office. Pour le public blanc, le racisme confère à Rocky un frisson illicite. Cette analyse, quelqu'un d'autre la reprend. Un boxeur qui règne sur son sport depuis 11 ans et qu'on appelle The Greatest, Mohamed Ali bien sûr. Que le noir soit supérieur, dit-il, aurait été contre les valeurs américaines. J'étais tellement génial qu'ils ont dû créer Rocky, une représentation blanche pour l'écran, pour battre ce que je représente sur le ring. Et il se trouve que le très modeste Mohamed Ali est présent à Los Angeles le 28 mars 1977 à la cérémonie des Oscars. Rocky n'est pas qu'un succès en salle. Le film est également salué par le monde du cinéma et nominé dans quasiment toutes les catégories des Oscars. Stallone concourt pour ceux du meilleur acteur et du meilleur scénariste. Ce n'était arrivé qu'à deux autres avant lui, Charlie Chaplin et Orson Welles. Plutôt chic comme référence. L'homme qui remet l'Oscar du meilleur film est une icône du cinéma des années 70, Jack Nicholson. Alors il annonce les nominés. 5 films, parmi lesquels Rocky, Les Hommes du Président, le très longué Taxi Driver de Scorsese. And the winner is Rocky Erwin Winkler and Robert Chardoff, producers. Alors, les deux producteurs de Rocky se feraient un chemin dans les travées pour monter sur l'estrade. Ils embarquent Stallone sur leur passage, qui les suit au rythme de la bande-son du film. Et comme Rocky monte les marches du musée de Philadelphie pour s'entraîner, Stallone monte celle de la scène des Oscars pour toucher son trophée. And to all the Rockies in the world, I love you. À tous les Rockies du monde, je vous aime. Et un peu plus tard dans la soirée, alors que Stallone décerne l'Oscar du meilleur second rôle féminin, un homme monte sur scène. Il passe discrètement derrière Stallone, qui ne paraît pas se rendre compte qu'il est là. Cet homme semble en colère, mais il joue, et le public le sait. Et tous le reconnaissent, c'est Mohamed Ali. Il s'approche de Stallone, les yeux méchants et les poings serrés. You stole my script! Don't you see a problem? No, I saw it, I watched the movie, you stole my script. All that was me, I'm the Apollo. You can put me on for years. No, show me what you can really do. Show me what you can really do. You know my real name, don't you? No, show me. Kid Salami. C'est moi, le vrai Apollo Creed, dit Ali à Stallone en le pointant du doigt. Tu m'as volé mon histoire, tout ça c'est moi. Montre-moi ce que tu sais faire. Et voilà Ali et Rocky, le vrai et le faux, feignant un combat de boxe. Stallone devient ce soir-là une vedette du même rang que la star mondiale du ring. Ali plaisante et assure le spectacle. Mais lui aussi a son avis sur Rocky. L'Amérique, dit-il quelques années plus tard, se doit d'avoir des icônes blanches, ses icônes blanches. Peu importe où elle va les chercher. Jésus, Wonder Woman, Tarzan, Rocky. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Vous écoutez Affaires sensibles. Aujourd'hui, l'histoire de Rocky. Notre invité, David Da Silva. Bonjour. Bonjour. Journaliste, historien de cinéma, professeur à l'Institut international de l'image et du son. Vous êtes l'auteur du livre Sylvester Stallone, héros de la classe ouvrière, paru aux éditions Leitmotiv en 2013, et du livre Trump et Hollywood, paru en 2 tomes dans la même maison d'édition. Alors, nous avons parlé du rêve américain, nous avons présenté Stallone comme un working class hero, c'est le titre de votre biographie, je le rappelle. Mais enfin, Rocky est-il un film populiste, conservateur, voire réactionnaire, en tout cas par rapport au nouveau cinéma qui débarque sur les écrans à l'époque? Bah en fait, c'est un film qui se situe entre les deux, c'est-à-dire qu'il est à la fois représentant du nouvel Hollywood, par le héros un petit peu marginal, laissé pour compte de l'Amérique, par les décors, c'est-à-dire que c'est pas une Amérique idéalisée, on montre une Amérique pauvre, tout est tourné en décor naturel. Donc il y a cet aspect naturaliste qui le rapproche du cinéma du nouvel Hollywood. Et puis on a aussi tout ce qui amène le nouveau cinéma américain qui va arriver dans les années 80, c'est-à-dire le cinéma réaganien, parce qu'on a un héros qui, à un moment donné, va comprendre qu'il ne doit pas subir, mais qu'il doit agir et qu'il va donc prendre sa vie en main et essayer de réaliser son rêve américain. Donc en fait, on a un film à cheval entre le nouvel Hollywood et le cinéma réganien qui va arriver quelques années plus tard. Oui, il y a un vrai parallèle avec Reagan lui-même qui avait dit quand il avait été « America is back ». Il y avait un côté viriliste comme ça, un peu comme Rocky. Oui, tout à fait, tout à fait. Il a représenté un peu cette Amérique des cow-boys, ce qui représentait lui au cinéma, parce que c'était un acteur qui avait fait beaucoup de westerns. Donc, il représentait un petit peu cette Amérique conservatrice, un peu le mythe du western. Donc, c'est ça qu'il a mis en avant. Et puis, c'est vrai qu'ensuite, dans les années 80, on a le personnage de Rocky qui va aussi physiquement être modifié. C'est-à-dire que dans le premier, on n'a pas un boxeur bodybuildé, mais il le sera progressivement à partir du troisième épisode. C'est très années 80, la culture du corps, de l'apparence. Alors, parmi les classes populaires, il y en a une qui se reconnaît particulièrement chez Stallone et Rocky. Ce sont les Italo-Américains dans les années 70. Comment vit cette population qui n'a pas généré que des mafieux, évidemment? Non, c'était une communauté aux États-Unis qui a eu beaucoup de difficultés à être respectée, c'est-à-dire qu'ils étaient très déconsidérés. Ils avaient d'ailleurs une image qui était assez proche de celle des Afro-Américains. Donc c'était une communauté qui était assez marginalisée et qui progressivement, au fil des années, a intégré ce qu'on appelle aux États-Unis la catégorie des blancs non hispaniques, donc c'est-à-dire une communauté totalement intégrée et acceptée en Amérique. Mais à cette époque-là, ils avaient quand même encore une réputation plutôt mauvaise aux États-Unis. Et c'est ce qui fait d'ailleurs tout l'intérêt de ce personnage de Rocky Balboa, c'est-à-dire un marginal, un petit peu, qui représente cette communauté italo-américaine aux États-Unis, qui va se faire accepter par le public américain. Alors, on l'a évoqué aussi pendant le récit, certains critiques, et Mohamed Ali lui-même, estiment que Rocky est un film raciste. Parce que je rappelle, c'est un boxeur blanc qui remet un boxeur noir à sa place. Alors, qui plus est, le jour du bicentenaire des États-Unis, est-ce qu'il faut y voir du racisme dans ce film? Bah, disons que moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais fait des études, etc., universitaires. C'était parce que j'avais compris que parfois, il y a des études qui sont très bien écrites et qui très intelligentes, mais qui parfois sont pas forcément en phase avec ce que moi je voyais, par exemple dans mon quotidien. Moi j'avais fait de la boxe et je voyais tous mes amis qui parfois étaient noirs et qui adoraient Rocky. Ah oui. Et j'avais lu cet article et je me disais mais il y a un problème. Donc j'ai fait aussi mes propres recherches et mon analyse. Et en fait ce que je pense c'est que plutôt qu'un film qu'il faut analyser du point de vue, alors entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'ils l'appellent aux États-Unis, du point de vue de la race. Moi, je vois plus ce film-là comme un film de conflit de classe, c'est-à-dire qu'on a un opprimé, un laissé pour compte, quelqu'un qui est déconsidéré, et on a des gens dans une position sociale très confortable et qui veulent manipuler un opprimé pour justement gagner beaucoup d'argent. Donc d'une certaine manière, je trouve que l'analyse de classe, elle est plus intéressante, et je dirais que c'est même cet angle-là qui, à mon avis, intéresse Stallone. Parce que si on regarde le film suivant qu'il a fait après Rocky, alors qu'il avait gagné l'Oscar du meilleur film, qu'il avait tous les projets qu'il voulait à Hollywood, il a choisi de faire un film qui s'appelle Fist, et c'est sur un leader syndical, et c'est un film sur un conflit de classe. Donc en fait, je pense que ce qui est intéressant dans Rocky, c'est plutôt ça. Et là, on comprend pourquoi le public afro-américain, en réalité, adore ce film. Parce que si c'était un film raciste, bien sûr, c'est aussi un film qui aurait dû être déconsidéré par cette communauté. Alors, pourquoi ils aiment Rocky, et notamment le premier? Parce qu'en fait, ils s'identifient plus au personnage marginalisé et déconsidéré de Rocky Balboa, plutôt que Apollo Creed, qui est finalement quelqu'un dans une position sociale qui est très confortable. Donc voilà, l'identification ne se fait pas sur la race, mais plutôt sur la classe, et sur la avec Rocky. Et sur la conscience de classe. Tout à fait, exactement. Alors, on va parler maintenant d'un point de vue plus artistique. Quel regard, en tant que connaisseur de cinéma, vous posez sur le jeu de Stallone? Est-ce que c'est un grand acteur pour vous? C'est juste un bon acteur? Qui est-il? Je trouve que c'est en tout cas quelqu'un au début de sa carrière qui avait un très grand potentiel. Vous avez passé la bande-annonce du film du premier Rocky à l'époque, où on disait que c'était quelqu'un qui était dans la lignée de Marlon Brando, de Robert De Niro. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut-être avait une palette de jeux assez large. Il aurait peut-être pu faire une plus belle carrière d'un point de vue, on va dire, diversifié. Oui, il est marqué, il est très marqué, effectivement. C'est ça, c'est qu'ensuite, c'est-à-dire qu'au début de sa carrière, après Rocky, il avait le même agent que Robert De Niro, Stan Kamen. Ce qui fait qu'il a fait des projets assez ambitieux, donc Fist, réalisé par Norman Jewison, donc un grand réalisateur. Ensuite, il a fait Les Faucons de la Nuit, etc., un polar un petit peu à la Serpico. Donc, il y avait vraiment une fibre artistique assez large chez lui et assez poussée. Et ensuite, il a changé d'agent. Et les années 80 l'ont un peu enfermé dans le cinéma d'action. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a une grande palette de jeux, parce que il a fait, à la fin des années 90, par exemple, Copland, où il a été salué par la critique pour justement un jeu assez fin et un travail corporel aussi très intéressant. France Inter. Affaires sensibles. David Da Silva, l'a dit, il y a un président américain qui s'est senti très proche de lui, de ses thèmes, qui est élu en 80, 4 ans après le premier Rocky, c'est bien sûr le républicain Ronald Reagan. Alors, il a fait plusieurs fois référence à Stallone et à ses films. En voici deux exemples. Deux conférences de presse en 1986, après la sortie de Rocky IV, où cette fois il bat un boxeur russe en pleine guerre froide. Écoutons. Ça se termine très bien, il bat le russe. Et c'est la meilleure scène de boxe que j'ai jamais vue au cinéma. C'est tellement réaliste. Alors d'expérience, je sais comment les scènes de combat sont tournées, mais bon Dieu, ils se donnaient de vrais coups. Et puis la condition physique qu'il a, il doit passer du temps à la salle. On dirait Mister America avec tous ses muscles. Comme celui qui joue le russe, d'ailleurs. Trop de gens sont encore au chômage. Mais je crois de tout mon cœur que nous avons passé le pire. Nous sommes sur la voie de la reprise. Et comme ce boxeur, là, ce Rocky Balboa, l'Amérique devient plus forte. Ronald Reagan a-t-il récupéré Sylvester Stallone, finalement? Oui, d'une certaine manière, Reagan, il était connu pour faire souvent référence à la culture populaire dans ses discours. C'était pour attirer l'attention de façon assez simple à ses auditeurs, ses futurs électeurs. Et donc souvent, il faisait référence à des films comme Star Wars, L'Inspecteur Harry. et Stallone, donc ça pouvait être Rocky, mais aussi Rambo, parce qu'il a aussi fait référence à Rambo. On en reparlera à Rambo, mais on va en parler bien sûr. Oui. Et puis les westerns aussi. Hein. Et mais est-ce que Stallone s'est senti récupéré ou ça le gênait pas? Bah disons que au départ, Stallone n'a jamais affiché publiquement un soutien à Reagan. Mmh. Donc finalement, au départ, il était plutôt, on va dire, que ça ne le préoccupait pas. Le problème, c'est quand on a fait l'analogie forcément entre Stallone et Reagan en faisant de Stallone un propagandiste de la politique de Reagan, là, ça l'a dérangé. Et donc ensuite, il a essayé de s'en détacher. Il a dit publiquement que dans ses films, lui, il n'avait jamais voulu faire un message pro-Reagan ou de soutien à Reagan. Et puis de toute façon, tous les films de Stallone ont un discours qui peut être assez ambivalent. Et même les Rambo, Rambo 2, Rambo 3, parce que c'est souvent à ces films-là qu'on fait référence, en réalité, il y a aussi un discours qui est beaucoup plus ambigu que ce qu'on peut en dire de façon assez simpliste. On va y venir, mais les Rocky 2, 3 et 4 ont-ils connu le même succès que le premier, ou est-ce que c'était une erreur que de démultiplier comme ça? Non, c'est une saga qui a eu énormément de succès. Celui qui a eu un petit peu moins de succès, c'est le 5, où justement, il ne monte pas sur le ring et où il est l'entraîneur d'un boxeur. Où il y a d'ailleurs le fils de Rocky Balboa qui est interprété par le vrai fils de Sylvester Stallone. Donc ça faisait encore une analogie entre le personnage et l'acteur. Mais non, la saga a eu un très très grand succès et il y a un vrai attachement du public avec ce personnage. Et moi, quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de véritables boxeurs qui ont eu cette vocation en regardant la saga. C'est-à-dire que c'est ce personnage de fiction qui a plus inspiré des vrais boxeurs que de véritables boxeurs. C'est ça qui est assez surprenant. Alors ensuite, il y a eu Rambo, il y en a eu plusieurs également. Donc là, on est dans la mauvaise conscience américaine adossée à la guerre du Vietnam et transcrite dans le cinéma. Il y a eu Full Metal Jacket, Platoon, Voyage au bout de l'enfer, Apocalypse Now, bon, un peu écrasé par la métaphore. Mais bon, c'est quand même le même thème. Là, on est dans le même thème, la mauvaise conscience américaine vis-à-vis de la guerre du Vietnam avec Rambo, ou c'est autre chose? Oui, alors c'est un peu autre chose parce que par exemple le premier c'est aussi quelqu'un qui est marginalisé et qui est finalement coupable, qui devient coupable aux yeux de certains citoyens américains de la défaite de l'Amérique. Mmh. Donc il y a ce côté-là un petit peu bouc émissaire et c'est vrai que quand on regarde le premier Rambo et le premier Rocky, c'est un petit peu deux personnages vraiment en miroir parce que c'est un petit peu deux laissés pour compte qui dans l'adversité démontrer des capacités qu'on ne pouvait pas soupçonner. Mmh. Et moi, ce que j'aime dans le premier Rambo, c'est que justement, le film décrit un personnage, finalement, encore une fois, qui vient plutôt de la classe ouvrière, quelqu'un qui appartient aussi à une minorité, parce que il est métis amérindien, le personnage de Rambo. Et il représente cette espèce de population qu'on a envoyée combattre au Vietnam et qui étaient justement des gens qui appartenaient souvent aux classes populaires parce que les universitaires, ceux qui étaient inscrits à l'université, étaient exemptés du service militaire. Donc, ils représentent un petit peu ces gens-là qui sont partis faire la guerre et qui ensuite ont été déconsidérés aux yeux de la population. Voilà. Et qui ont subi finalement un ostracisme. Oui. Merci infiniment, David Da Silva. Je rappelle le titre de votre livre, Sylvester Stallone, héros de la classe ouvrière, paru aux éditions Leitmotiv en 2013. Merci, au revoir. Chaque bijou renferme un secret, une histoire d'amour ou de séparation, un mythe ou une malédiction. Découvrez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels qui vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. à retrouver prochainement sur toutes les plateformes d'écoute.